tête et passer hier était l'espoir de demain. J'avais personne pour me tenir la main. Sans le savoir, je t'appelais. Today.